Et on continue avec un autre passe-double, Fiesta Corrida, par Jean-Marie Lacroix. Et on continue avec les passe-dobles, cette fois-ci c'est Marie-Laure des Dufeller. Tout simplement un passe-double tourné et enregistré lors d'un gala d'accordéon. On écoute donc Marie-Laure dans quelques petits instants. Voilà. Et si vous avez un ordinateur, ça vaut le coup de chercher Marie-Laure des Dufeller. Vous verrez un petit peu le sang qu'elle a dans les veines. Et elle a pas mal au genou comme l'animateur. Eh bien voilà, excusez-moi, il y a un petit chat dans ma gorge. On va continuer. Si vous avez un problème pour recevoir Radio Arc-en-Ciel sur votre radio et que vous ayez internet, je vous rappelle le site www.radio-arc-en-ciel.fr. Le numéro de téléphone, je ne vous le donne pas, vous le connaissez, mais de toute façon, vous m'appelez sur mon numéro personnel, 06 50 02 88 38. 06 50 02 88 38. Belle signorine, et c'est Maurice Alexander et son orchestre. J'adorerai toutes tes bataline. De tes yeux pleins de feu, je veux me briser. Au trésor de ton corps, laisse-moi rêver. Belle, belle, belle signorine, par ta grâce et ta beauté divine, enivré, fasciné, je suis pour toujours. Belle, belle, belle signorine, d'amour. Un autre passe-double par Léon Retter et ses compagnons de la bonne humeur, et ça s'appelle Catalina, et c'est chanté par Jean Matteo. Le numéro auquel vous pouvez me joindre, 06 50 02 88 38. yeux saphirs, c'est me le désir. Parmi les hidalgos, je prends mille cadeaux pour avoir ton baiser. Sous ton châle, rose pâle, ta volupté, ta froideur rivale. Sans un rondin, par le monde, le ciel de l'Espagne t'accompagne. Catalina, maintenant à l'accordéon numérique, Jean-Claude Rossignol de Mes Amours. Eh bien, non, Simone, je ne dors pas. Mais on travaille dans des conditions un petit peu difficiles. Et c'est le portable, il faut un moment de bruit que la musique, bien évidemment. Voilà. D'une part, je ne dors pas. D'autre part, je vous passe votre dédicace. C'est donc de la part de Simone. Pour tous ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur qui en bave beaucoup, mais qui n'a pas trop chaud, il est bien avec la climatisation. L'amour commande, c'est Louis Ferrari et c'est chanté par Jacques Loran. L'amour commande, viens dans mes bras. L'amour commande, n'hésite pas. Des jours heureux de notre cœur, l'amour dispose. Gardons à deux le grand bonheur qu'il nous propose. L'amour commande notre destin, l'amour commande notre chemin. Pourquoi douter quand sa voix chante sur le toit? L'amour commande, embrasse-moi. et actuellement à l'antenne Amazing Grass, où je l'avais reconnu, avec Sylvain Burlot. Et on continue avec cette fois-ci, on va changer un petit peu. On va écouter Fredo Gardoni et son ensemble, Fais-moi valser, de la part de Paulette de Fleury-les-Aubrais, pour tous les amis de l'accordéon. Et pour l'animateur, merci Paulette et bon après-midi à vous. Restez pas près du feu, fait trop chaud. On écoute donc Fredo Gardoni. Une dernière fois, serre-toi tout près de moi. Et redisons tout bas des mots d'amour, les mêmes qu'au premier jour. Laisse-moi te bercer comme un oiseau blessé, dont tes bras un instant te veux encore aiser. Comme un reflet du cher bonheur passé, mon amour vient donc valser. prenez un papier et un crayon, après faites du feu dans la cheminée, pas avec le papier ni avec le crayon, je vous donnerai une information concernant le téléphone pour me joindre. Faites du feu dans la cheminée, c'est Marcello et Claudie. Marcello qui joue de l'accordéon et Claudie qui chante. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à gué à la Garonne, le ciel est tout bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors, le monde est en chamaille. On gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré les lourdes giboulées. J'ai du frimas sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans la cheminée, viens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Étranger, moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Eh bien voilà, je vous rappelle, je vous ai dit, un petit papier et un crayon, vous pouvez me joindre au 06 50 02 88 38 06 50 02 88 38 voilà. Et on écoute maintenant Paris la nuit, une valse avec Chantal Soulu, que voici. Paris, c'est l'heure où les taxis vont tourner dans la ville lumière. Parti de la place blanche de Saint-Ouen à Passy et s'arrête le soir près de Lumière. Dans les rues de Paris, voici déjà la nuit. Pour les filles, la joie, c'est galère. Sans jamais le soleil dans ce coin si glacé, les gens vont sans un mot, une prière. Ce Paris plein d'histoire a vu naître artistes, peintres et poètes qui ont connu la gloire. Plein nos figurants au coin des rues nous rappelle à présent les souvenirs d'antan. Que vont voir les enfants, voyageurs et touristes et pères. Et on écoute maintenant La Seine. La Seine interprétée par Maurice Alexander et chantée par Denise Asquin. Et c'est de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci et bon après-midi à vous tous et à toutes, vous toutes. C'est enregistré le 10 septembre 1948. Le titre Alba, un tango par Paul Ciafarani. Yeah. Et on continue bien sûr l'accordéon. Et cette fois-ci, ce sera Étienne Lorrain et son ensemble Musette. La Fiesta de Grenade, un passe-doble bien sûr, chanté par André Vermal, de mars 1946. Eh oui, on est cherché dans les archives aujourd'hui. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. C'est la fiesta dans Grenade. On danse à la plaza, sous les yeux de l'alcade. Ah bien sur la rambla, ah bien sous les arcades. Ton cœur le comprendra, ce soir c'est la fiesta. Une guitare s'envole, chante et tout. La lune au ciel semble briller. L'amour nous tend les bras, il joue des sérénades, le bonheur est par là, ce soir c'est la fiesta. Dans les bras, il joue des sérénades, le bonheur est par là, ce soir c'est la fiesta. Arc-en-ciel, 17h passé de 4 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Émile Prudhomme et son orchestre, Je vais revoir ma belle, et c'est chanté par Lucien Jeunesse, enregistré en mars 1947. Je vais revoir ma belle, chantons la ritournelle. Les cœurs amoureux, le refrain joyeux des amants heureux. Ses beaux yeux m'ensorcellent, son cœur n'est pas rebelle. Et pour son baiser, je m'en fais braver les plus grands dangers. La belle, j'ai pour toi les plus beaux des atouts. Les châles que voilà, gage de mon amour. La douane que m'importe, que le diable l'emporte. Oui, mais mon cœur bat plus fort chaque fois que je te revois. on continue avec Mario Melfi et son orchestre de tango Écris-moi, chanté par Bruno Clair, et ça date quand même de 1938, figurez-vous. Écris-moi quelques lignes à peine, loin de toi j'ai tant de peine, un mot me consolera, écoute-moi sans haine, même si ta lettre est vaine. Écris-moi, ne m'abandonne pas. Jean-Claude et son accordéon numérique. La marche des accordéonistes ardéchois par Jean-Marie Lacroix.17h passé de 15 minutes. Mes yeux, tu me vois. pegando mais um sucesso. Se às vezes me esqueço em função da lida, de dizer que a vida pra mim é você, que a banca comigo me faz um afago, me alcança um amargo que eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar, e até te encontrar eu não amei ninguém. Se acaso fui rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. A gente não sabe da vida lá adiante, mas acho importante pensar no depois. Por isso me aparto do teu doce abraço, e tudo que faço só penso em nós dois. Não temas, eu volto com a felicidade, minha felicidade é estar aqui. O mundo oferece, mas tenho juízo, e tudo que eu quero eu encontro em ti. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, na minha querência, da minha existência és a felicidade. Se às vezes me esqueço em função da lida, de dizer que a vida pra mim é você, que a banca comigo me faz um afago, me alcança um amargo que eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar, e até te encontrar eu não amei ninguém. Se acaso fui rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. C'est une petite récréation portugaise. Voilà, on continue avec Jean-Marie Lacroix, et ce sera Voilà, c'est l'amour. Passées de 31 minutes. La FM en couleur.

agile, car l'ambiance c'est toi qui gagne. Tous tes refrains populaires, comme trompette plus sec, comme rainbow plus sec, ont traversé bien des frontières. Bravo, l'accordéon. Feria del Toro, passe doble par Louis Camblor. Demain, à partir de 12h30 jusqu'à 15h, c'est l'accordéon de nos régions. Vous connaissez l'indicatif. Indicatif maison. Dimanche de 14 à 16h, pendant 2h, c'est vraiment le bonheur. Un

Boire ou conduire une bourrée signée Alexis Romieux. 17 heures passées de... Je sais pas. Les Jules et les donzelles, c'est la Java. Dans les dancing, les balles et les tonnelles, c'est la Java. C'est la plus batte des danses, elle swing et le balance, elle nous met tous en transe. On la danse à petits pas en comptant un, deux, trois, voilà, c'est la Java. Quand Jules met sa casquette, les filles le regardent, elles le trouvent si chouette. Son foulard autour du cou, il danse comme un fou, elle tombe à ses genoux. Quand il danse le tango ou même le basso, elle le trouve moins chouette. Pour l'en faire cet effet-là, il n'y a que la Java, alors vive la Java. C'est la Java. C'est la Java. C'est la Java. C'est la plus batte des danses, elle swing et le balance, elle nous met tous en transe. On avance à petits pas en comptant un, deux, trois, voilà, c'est la Java. De l'île à l'angle de Paris à Marseille, c'est la Java. Qui fait guincher les Jules et les donzelles, c'est la Java. Dans les dancing, les balles et les tonnelles, c'est la Java. C'est la plus batte des danses, elle swing et le balance, elle nous met tous en transe. On avance à petits pas en comptant un, deux, trois, voilà, c'est la Java. Cha-cha, figure par Alain Dessau. Avec son pinet rose et son regard si clair. Depuis, on ne Eh bien voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour l'accordéon de nos régions. Et je laisse la place à porte ouverte au sport avec pour l'instant José. Je ne sais pas qui va l'accompagner. C'était beau tous ces petits jolis matous, tout, tout, parce qu'ils étaient beaux.